Donc on part au conseil communal dans la ville de Namur, suivre une interpellation citoyenne contre le règlement mendicité et une remise de la pétition demandant sa suppression. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ, c'est l'idée centrale. On va écouter, et c'est pas rien, 2 heures de conseil communal. Et franchement, c'était lourd, mais lourd. Vous allez entendre et on va décortiquer parce que c'est vraiment inintéressant à entendre. Hein. C'est pas un micro ouvert où vous allez apprendre des choses, mais qu'on peut apprendre, c'est comment la langue de bois, c'est comment l'hypocrisie, c'est comment on tourne autour, c'est comment... Et voilà, on va s'amuser, je vous propose de faire ça, on va s'amuser à écouter ce qui se dit, mais ça ne dit rien et ça dure 2 heures. Je ne sais pas si vous imaginez, vous allez entendre des mendiants, parce qu'on les appelle comme ça, et je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la partie première, ce sont... Donc c'est un règlement qui a été mis en place début juillet, donc début des vacances, pour interdire la mendicité dans la ville de Namur et jusqu'au début septembre, fin août, début septembre. Eh bien, il y a le bourgmestre Prévost qui gère ce conseil communal. Hein. On va l'entendre. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous écoutiez. Alors, peut-être j'aurais dû le mettre à la fin, mais je trouve ça. Ouais, peut-être j'aurais dû le mettre à la fin, mais je trouve ça intéressant parce que là, je vais vous faire écouter un son qui date fin août, là, maintenant, hein, il n'y a pas tellement longtemps. Et on sent M. Prévost qui est tout content, en fait. Écoutez. Micro ouvert. Après ces petits mots de cordiale bienvenue à nos amis de Flandre, je voudrais évidemment saluer chacun et chacune d'entre vous, mais mes collègues échevins qui sont présents, bien entendu, puisque la ville a été aussi, dans ses démarches administratives, un partenaire, un facilitateur, en tout cas pour la réalisation du projet, autant que nous avons pu l'être. Saluer évidemment l'ensemble des membres qui sont ici présents et qui représentent différents secteurs de la dynamique namuroise, de la dynamique entrepreneuriale. Il y a évidemment des banquiers, il y a des avocats, il y a des comptables, il y a des architectes, que des gens de bonne qualité, de bonne famille, on s'entend. Et puis, toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la dynamique namuroise. Et le premier d'entre eux que je souhaite mettre à l'honneur, c'est certainement Olivier lui-même, qui a toujours cru et a raison dans cette belle ville de Namur, qui a développé déjà plusieurs projets. Et mon petit doigt me fait dire qu'il en développera d'autres. Je note d'ailleurs que je cherche de regarder le précédent interlocuteur qui était ici. Ah ben voilà, je note d'ailleurs que vous avez dit « Je suis heureux que nous soyons réunis pour la première ouverture à Namur ». On n'a pas dit la première ouverture en Belgique. C'est vrai que Marthe a eu les honneurs préalablement. Et puis vous avez eu un sens inné de la communication et du teasing en demandant à chaque fois quelle était la ville de Wallonie qui est la première à pouvoir inaugurer un Burger King, parce que c'est vrai que c'est une marque qui est puissante en termes d'attractivité, et je ne doute pas que les chiffres sont là pour le démontrer, un peu à l'instar d'un voisin de l'autre côté qui vous fait face, qui a aussi une connotation américaine, et qui à lui seul suffit pour être attractif, et avoir un Burger King ici à Namur, c'est aussi un choix que nous apprécions. D'abord et avant tout parce qu'il complète l'offre sur la place namuroise, parce que ça a été l'occasion d'un beau chantier de rénovation d'un bâtiment qui en avait très besoin, et c'est aussi l'occasion de venir investir dans un quartier en devenir. Un quartier qui doit connaître une profonde mutation, parce que c'est un quartier qui, paradoxalement, alors même que nous avons juste en face la première gare de Wallonie, chaque année il y a un petit combat de coq avec Otigny-Louvain-la-Neuve, mais c'est ici qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui viennent utiliser les chemins de fer chaque semaine, donc un beau potentiel d'attractivité. Quand on imagine déjà le succès de Burger King avant même la rentrée scolaire, avant même celles et ceux qui pourront arpenter ce beau bâtiment, et bravo d'ailleurs pour les travaux qui ont été réalisés, il y a du potentiel et c'est un quartier qui mérite d'être tiré vers le haut à travers tous les projets que la ville a l'intention de développer, que ce soit au niveau de la galerie Wérel, de la place elle-même, du passage souterrain, de l'ancienne dans l'ancienne poste, pardon, des bâtiments à Tibet qui sont en développement, mon cher Paul, petit clin d'œil au passage, et également du centre commercial à proximité. Donc c'est un quartier en devenir, et Burger King ne s'est pas trompé, Olivier ne s'est pas trompé en faisant le choix d'investir avec le cœur, avec le corps et avec les tripes dans cette belle ville. Et nous continuerons du côté de la ville de Namur d'être un partenaire de toutes ces initiatives privées dont nous avons besoin comme de pain pour pouvoir développer cette belle ville capitale, créer de la valeur ajoutée économique, sociale et pouvoir créer de l'emploi comme c'est le cas aussi. Donc bravo à ton audace, à ton projet, à tous ceux qui t'entourent et félicitations et plein succès à vous. Voilà le discours du bourgmestre de la ville de Namur, Monsieur Prévost, qui est super content, super emballé par plein de choses. Hein, un Burger King à Namur, quoi. C'est génial, vraiment, c'est super. Première ouverture en Belgique, en Wallonie, quoi. C'est vraiment la classe, quoi. Et puis j'ai aussi entendu le mot facilitateur hein, pour ces gens. On a entendu, c'est des banquiers, des avocats, des comptables, des architectes. On facilite les choses pour que on puisse innover avec un Burger King. C'est vraiment le futur. C'est vraiment, vous savez, le savoir-faire. C'est vraiment la culture, c'est vraiment l'éducation, c'est le Burger King, génial quoi, beau potentiel. Hein. Alors j'adore aussi, il parle de cœur, de corps et de tripes. Comment mélanger et embobiner la parole avec plein de mots comme ça, enfin, c'est énorme ce qu'il dit. Hein. Alors la suite de ce micro ouvert, il faut que vous compreniez bien que les mendiants qui ont été virés tout cet été avec cette règle anti-mendicité, eh bien ils ont trouvé le moyen de squatter un bâtiment qui servait à rien depuis 2 ans. Voilà, donc il y a un autre micro ouvert, la partie 1, qui fait la visite de ce bâtiment. C'est tout nickel, c'est un bâtiment public et y aurait eu moyen de faire des choses dedans pour les mendiants, justement. Et les mendiants, ils ont eu l'idée, la bonne idée d'aller squatter cet endroit, quoi. Le temps des vacances et puis à la rentrée de voir si c'était pas possible de gérer cet endroit. Donc c'est les mendiants eux-mêmes qui géraient cet endroit. Alors, mais c'est super génial. Comme idée, c'est de l'autogestion, c'est beau, c'est génial, c'est les mendiants eux-mêmes qui ont trouvé cette idée, quoi. Enfin, c'est génial. Et donc ils viennent au conseil communal pour une chose, demander d'enlever ce règlement anti-mendicité et pour pouvoir gérer ce bâtiment qu'ils squattent pour le moment. J'ai une devinette avant qu'on commence à rentrer au conseil communal. C'est une devinette que vous pouvez répondre tous. Vous qui écoutez, c'est très facile. Vous pouvez y répondre même sans avoir été au conseil communal. Qui parle le plus à ce conseil de Namur ? Qui parle le plus au conseil communal de Namur ? Vous avez la réponse. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2017. Ouais. Bonjour. Ça va être chaud, hein. À mon avis, oui. J'espère, en tout cas. Il y a quand même pas mal de monde. C'est pas simplement 10 personnes, hein, il y en a quand même plus, là. On est tous ensemble. Je savais pas que ça allait être aussi grand, en fait. Tu sais pourquoi on vient, nous ? Oui, oui. Ah non, non, vous, non. Et parce qu'on demande à la commune d'afficher sur toutes les entrées de la ville, en dessous de « Bienvenue à Namur », ceci est une commune qui ne veut pas signer le CETA. Ah ouais, ok. Et c'est André qui peut vous renseigner davantage, hein, si vous voulez. D'accord. Vous venez parler de ça, du CETA ? On va. Bah, ils vont commencer donc. Oui. De toute façon, oui, on a le temps, vous savez, ça va être beaucoup de blabla. Hein. Yeah. Si tu veux parler dans le micro. Mais oui, on a le temps, on a vraiment le temps. Faut pas avoir peur. Mais moi, j'aimerais juste comprendre comment ça va se passer en fait. C'est la première fois que je viens. les gens vont interpeller, ils vont se trouver là. Je vais demander à... Tu sais pas ? Ludwig, c'est la première fois que je viens à ce truc-là. Mais quoi, vous allez devoir aller au micro parler ? Comment ça va se passer ? Normalement, il y a 3 interpellations citoyennes qui peuvent être faites par conseil communal. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de ne pas parler afin que ce soit quelqu'un de citoyen, de pas mendiant, quelqu'un qui habite notre ville, qui parle en notre nom. Tu l'habites aussi, hein, mais bon, soit. Oui, oui, mais qui, vu que nous, on n'a pas le droit d'y habiter, vu qu'on en est chassé par partout, donc... Mais ça, c'est hors propos, on va dire, vu que ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'on va me répondre. Mais j'ai préféré que ce soit quelqu'un qui soit vraiment concerné par l'histoire, qui soit extérieur à notre groupe, qui puisse faire l'interpellation citoyenne en notre nom. Mais alors quoi, pour que moi je prenne du son convenablement, en fait, il va y avoir l'interpellation, les gens vont devoir passer dans le micro, là, tous ? Ou bien ça va se faire comme ça dans le... Normalement, les gens vont passer devant le micro, et puis on entendra, il y a une très bonne réverbération ici, normalement... Oui, mais je sais, mais pour la radio, il faut vraiment que le son soit bon, sinon on entendra le son. Là. Mais normalement, t'as Canal C, t'as RTBF... Oui, mais c'est pas la même chose. Mais je sais pas, moi j'y connais rien en son, donc... Oui, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui va se lever. Elle va aller au public. Ah, c'est toi qui veux aller, qui veut parler, ok. Madame. Alors je me mettrai là aussi. Il doit y sûrement avoir des enceintes quelque part, ah ouais, là-bas. Oui. Ah oui, là, regarde. Puisqu'on a un petit peu de temps, donc c'est quoi votre objectif ici, alors, à ce conseil communal de Namur ? Eh bien, la Belgique fait partie de l'Union européenne et à ce titre, elle est plus ou moins obligée de libéraliser le commerce et les investissements avec les États-Unis, avec le Canada, pardon. Et ça s'appelle le CETA. Oui, oui, mais on en a bien entendu parler, hein, oui, oui. Ouais. Et donc ce CETA, il est assez pervers dans ce sens où il donne la primauté aux investisseurs et aux privés. Et les États, eux, doivent se soumettre et abandonner un tas de règlements qui protégeraient le citoyen actuel ou à venir, hein, protéger l'environnement, etc. Et donc, Namur a été, enfin, les communes de Wallonne ont été sollicitées pour afficher clairement qu'elles ne veulent pas entrer dans le CETA. Alors maintenant, c'est vrai que les choses sont bien en route, mais il y a encore quelques signatures qu'André pourra vous expliquer. Et on peut encore dire non, Namur n'entre pas dans le CETA. Et quoi, c'est possible ça ? Namur est partant pour ne pas rentrer dans le CETA ? C'est possible. Oui, bien sûr. Strasbourg, les parlementaires européens ont accepté le CETA. Maintenant, l'étape suivante, tous les États membres doivent approuver cet accord-là. Donc il y a encore une signature, c'est ça que vous voulez dire ? Il y a encore autant de signatures qu'il y a d'États membres, la France, la Belgique, etc. Dans le cas de la Belgique, nous avons 3 régions, donc ce n'est pas simplement la Belgique qui devra encore l'approuver, le CETA, ce sont les 3 régions, dont Namur, dont la région Wallonne, le Parlement Wallon qui doit l'approuver. Donc rien n'est gagné pour le CETA, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Comme Namur a été une des communes qui a voté une motion de méfiance contre le CETA, eh bien on leur demande, comme vous avez fait une motion, vous avez envoyé ce papier, cette motion aux députés européens, vous l'avez envoyé au ministère des Affaires économiques, etc., à Madame Malmström probablement. C'est qui ça, Madame Malmström ? C'est celle qui dirige les accords transatlantiques TTIP, CETA, TISA. Oui, oui. Voilà. C'est la grande patronne des accords. Enchantée. Oui, où en étais-je ? Oui, donc, c'est pas le tout d'avoir fait une motion écrite, de l'avoir votée ici à la commune. Il faudrait l'afficher clairement. Alors, pourquoi, comme André disait, parce que c'est un André aussi... Pourquoi ne pas le mettre à l'entrée des communes ? Voilà, vous entrez dans une commune qui se déclare ou qui s'est déclarée zone hors TTIP. Parce que ce soit TTIP ou CETA, c'est le même type de traité. L'un avec les Américains, l'autre avec les Canadiens. Voilà. Alors mine de rien, il y a 180 communes qui se sont opposées au TTIP en Belgique. Donc on dit que si les 180 communes affichent clairement, publiquement, sous forme de panneaux à l'entrée de leur commune, vous entrez dans une commune hors TTIP, CETA et compagnie, parce qu'il y a beaucoup de traités, bon, mais ça aura un effet quand même majeur de soutien aux parlementaires qui vont voter, enfin, qu'on aimerait bien qu'ils s'opposent au CETA. Voilà. Oui, si je comprends bien, c'est comme une nouvelle manière de se mobiliser, de se mettre ensemble pour continuer à dire non, quoi. Bien sûr. Pour dire, le CETA n'est pas encore passé. Il y a encore tout un processus de signature qui doit se faire. Alors moi, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas avocat, je n'ai pas fait Sciences Po, donc je ne suis qu'un simple citoyen. Hein. Les meilleurs. Si vous le dites. Sciences Po, ils sont là-bas, non? De l'autre côté? Probablement, oui. Ben voilà. D'où notre action que l'on mène depuis 2 mois maintenant, à peu près. Hein. Et comment ça vous est venu, cette idée-là, de précisément... De... Mais l'idée, c'est... une fois que le CETA a été voté à Strasbourg, on était assis derrière notre chaise et on se disait, maintenant, que fait-on? Voilà. En sachant fort bien qu'il y avait encore d'autres signatures que tous les États membres devaient l'approuver. Donc, mais que fait-on pour garder les citoyens mobilisés par rapport aux accords transatlantiques? Voilà. Et c'est comme ça. Et les Français, par exemple, ont fait une action de ce même type. Et ils ont quand même vendu, parce qu'eux, ils vendaient leurs panneaux, ils ont vendu 800 panneaux en France. Quoi. Donc, évidemment, la France est grande. Hein, mais Je ne comprends pas quand tu dis vendu. Oui, parce qu'il faut bien dire un collectif. Il a les moyens, il n'a pas de moyens, le collectif. Le seul moyen qu'il a, ben, c'est de sortir des euros de sa poche. Un collectif bénévole, quoi, c'est ça? Ah oui, bénévole, oui. Donc en France, c'était pareil, c'était aussi un collectif. Ils n'ont pas de moyens, ils ne dépendent pas de syndicats, ils ne dépendent pas d'ONG quelconque. Donc ils ont fait ça. Donc ils produisent des panneaux et ils les vendent aux communes qui souhaitent l'afficher. Et c'est pour ça qu'ils en ont vendu 800. Mais un panneau comme ça coûte 12 euros, hein, c'est pas la mer à boire. Dans le budget d'une commune, ce n'est rien. Voilà. Voilà. Merci à vous. C'est une bonne idée en tout cas. Et quoi, vous allez défendre ça ici maintenant au Conseil communal? Oui, voilà, il y a une interpellation qui demande, voilà, ben, vous qui avez voté une motion contre, eh bien, affichez-le clairement à l'entrée de votre commune et on leur offre, ici, on va leur offrir un panneau en espérant qu'ils vont en acheter d'autres, évidemment. Et pour le moment, il y a déjà 5 communes qui en ont acheté. Sans compter celle de Watermael-Bafort qui, elle, a déjà un grand panneau près du kiosque là-bas. C'est lesquelles autres communes? Alors, les autres communes, il y a Tubize. Oh là, au secours, j'ai oublié les noms. Il y a Tubize, il y a Meix-sur-Virton. C'est moi qui ai envoyé les colis, mais j'ai oublié. Je regarderai. Sur le site. J'imagine que c'est noté, tout ça. Sur le site. Attendez, je vous donne le papier, comme ça. Il y a un site internet, ici, macommuneorceta.be. Donc là, on peut retrouver toutes les infos. Informations principales et on demande également sur le site, pour soutenir l'action, veuillez signer une pétition finalement. À partir du moment où on a un certain nombre de signatures pour une commune, à ce moment-là, on peut l'interpeller, on peut envoyer du courrier, on peut faire pression sur la commune. Tant qu'il n'y a pas de citoyen qui signe, on ne sait pas appuyer notre demande en fait. Et vous savez aussi ce qui se passe aujourd'hui, alors du coup, en parallèle du CETA, de votre projet? D'autres questions qui sont soulevées aujourd'hui, non? Mais il y a les réfugiés. Les réfugiés? Une histoire de... Non, pas de réfugiés, des mendiants, là. Oui, des mendiants. La mendicité dans la rue, qui, je ne sais pas quoi, mais je ne saurais pas vous en parler. À mon avis, il y en a d'autres. Ah oui, mais moi, je connais bien l'histoire de la mendicité. Je la suis. Alors, je n'ai rien à vous dire. Un papier de plus. Et donc vous allez vous renseigner sur la mendicité là aussi, du coup. Suivez bien. J'aurais aimé avoir votre avis, mais... Ça finit à quelle heure? Je sais pas. Pleinement heureux de pouvoir revenir à Namur comme bourgmestre de plein exercice. une fonction que je n'avais guère quittée des cœurs ni des yeux, mais que je peux dès lors pleinement retrouver aujourd'hui. On le sait que l'été a été chahuté et que des modifications dans le paysage politique ont d'une part précipité mon retour, choisi, voulu, mais ont aussi eu des conséquences moins choisies, moins voulues sur d'autres d'entre nous. Et je m'en voudrais, sans ironie aucune, mais uniquement sur le plan des relations humaines, saluer Madame Thieu, puisque même si nous avons des divergences politiques, il n'empêche que sur le plan humain, nous avons aussi pendant 3 ans été des collègues, et donc il est possible d'avoir de l'estime réciproque, même si nous avons des points de vue divergents sur la manière de mettre en œuvre les projets, et donc je tenais à le souligner. Je ne sais pas comment dire ça, mais quand M. Prévost, là, qu'on vient d'entendre, est occupé à dire à son opposante Liliane Thieu, je crois, un truc comme ça, que nous sommes des personnes responsables et oui, nous ne sommes peut-être pas d'accord sur certains projets, mais nous pouvons rester des humains. Ce sont nos projets qui ne sont pas les mêmes. Je voulais simplement souligner que des projets, ça a une influence concrète des fois sur la vie des gens. Voilà, ça c'était super important de le placer là, à ce moment-là. C'est que quand M. Prévost prend une directive, je ne sais pas si ça vient de lui, mais j'imagine que oui, j'aurais pu me renseigner pour vraiment... Mais en tout cas, c'est cette commune-là qui gère ça, et avec ce M. Prévost qui est là et sa bande, c'est que cet été, la maison, l'abri de nuit, hein, il n'y en a pas 36 000 à Namur, l'abri de nuit, eh bien, il a été fermé au mois de juillet et au mois d'août. Voilà, c'est une décision qu'on prend comme ça, pour faire des économies, j'imagine. Je voulais simplement dire que si, par exemple, Liliane Trucmuche, qui est dans l'opposition et qui dit « je ne suis pas d'accord avec cette idée », oh ben oui, ce sont simplement des divergences d'opinion. Je voulais simplement lui rappeler que ce n'est pas simplement des opinions, c'est que ça a une influence concrète sur la vie des gens. C'est super important d'entendre ça, M. Prévost. Je tenais aussi à profiter de cette prise de parole pour adresser quelques remerciements. Remerciements à Mme Crèvecoeur, en premier ressort, qui était ces 3 dernières années... l'échevine de notre commune en charge de la lecture publique, de la culture, du budget et des finances, fonction qu'elle a assumée avec l'aplomb et le tempérament qu'on lui connaît. Elle a veillé aussi avec ses touches personnelles à mettre en œuvre tout le programme ambitieux de Namur Confluent Culture, avec une monture de lunettes dont la jovialité est à l'image aussi de l'enthousiasme qu'il a animé pour mettre en œuvre l'ensemble de ses projets. La vie politique et ses tumultes a parfois ce côté ingrat que quand on s'implique, la situation change et dès lors on doit changer également du côté du banc du conseil. C'est du côté des bancs des conseillers communaux, chère Cécile, que tu pourras désormais continuer à suivre et à t'impliquer dans la belle gestion des dossiers namurois. Mais permets-moi de solliciter aussi la reconnaissance de l'ensemble des élus en t'offrant, sous des applaudissements nourris, quelques fleurs de remerciement. M'a demandé si elle pouvait dire quelques mots, donc je lui cède bien volontiers la parole avant de poursuivre mes remerciements. Merci, monsieur le bourgmestre, pour votre aimable prise de parole et ce superbe bouquet de fleurs qui me procure beaucoup d'émotion, de fierté et d'humilité aussi. Et vu l'ordre du jour de ce soir, je serai très brève, rassurez-vous. Mais je tiens à prendre la parole quelques instants pour publiquement à nouveau remercier l'ensemble de mes collaborateurs. Un mandataire ne serait rien sans son équipe, et je tiens donc à les citer devant vous ce soir. Merci à Pierre, Sandrine et Myriam, Christelle et Mélanie. Et puis il y a bien sûr tous les membres de l'administration, chacun avec ses qualités et son caractère, tantôt pédagogique, tantôt trop prudent, tantôt revendicatif, mais toujours disponible et dévoué à ses matières. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des membres du collège et du conseil. Je suis une femme de projet et c'est grâce à vous qu'ils ont pu avancer ou aboutir. Je vous en épargnerai ce soir la longue liste, mais mon leitmotiv a toujours été de rendre la culture accessible à tous, que cela soit dans l'espace urbain ou ailleurs. Et à cet égard, je souhaite rassurer les artistes et le milieu culturel namurois. J'ai beaucoup discuté avec leur bourgmestre et lui ai transmis vos dossiers dans le cadre d'une « remise, reprise », entre guillemets. Je pense que concernant pas mal de projets en cours, qu'ils en soient à leur balbutiement ou bien avancés, nous sommes, lui et moi, sur la même longueur d'onde dans la droite ligne de Namur Confluent en culture. En ce qui concerne les finances et le budget, un immense merci au quintet 5 étoiles de l'équipe des finances et à toutes les personnes du département qui m'ont permis de m'impliquer dans des matières qui m'étaient un peu moins familières et ce, dans un excellent climat de confiance. Enfin, je terminerai en rappelant que j'ai bien sûr adoré cette expérience des Juvina, bien qu'elle fût un peu courte. Elle a été très enrichissante et passionnante et j'espère qu'elle se renouvellera, pourquoi pas. Je me suis plongée à corps perdu dans mes attributions. Être échevine, c'est mettre énormément sa vie privée de côté. Et je vais à présent, durant quelques mois, pouvoir me consacrer davantage à ma famille et à mes amis, tout en gardant comme conseillère communale un œil attentif au développement de notre ville et en continuant à m'investir dans ma nouvelle fonction de juriste au cabinet de la vice-présidente du gouvernement wallon, Alda Gréoli. Encore un dernier merci à tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie durant l'été, que cela soit de manière virtuelle ou de façon concrète. Et merci à tous pour votre attention. Merci Cécile. Voilà, Eliane a pu porter de nombreux dossiers pendant plusieurs années au gouvernement wallon. Cécile en a poursuivi bien d'autres ici au niveau local. Et puis il y a une autre dame aussi que je souhaitais mettre particulièrement à l'honneur, ce ne sera évidemment pas une grande surprise, c'est Anne Barzin qui a assumé ses délicates missions. Donc vous avez pu entendre, il y a des petits problèmes techniques au niveau des micros là, ce n'était pas de mon ressort. Et il y a je ne sais pas combien de micros, il y a tout un aspect technique là-bas dans cette assemblée. Il y avait aussi, en tout cas je me souviens, de deux énormes écrans où on peut en plus voir les gens quand ils passent, quand ils prennent la parole, on peut les voir vraiment comme à la télé quoi, mais, et comme au cinéma je dirais, c'est encore mieux comme au cinéma. Donc voilà, je vous propose de couper court là, parce qu'ils parlent un peu entre eux et on n'y comprend rien. Bonsoir madame, soyez la bienvenue. Nous vous cédons donc la parole pour 10 minutes, je pense que vous avez pu voir comment l'exercice se déroule. Ouais, c'est chaud, hein. On va essayer. Donc avant de commencer d'entendre la dame qui va parler, hein, la dame citoyenne qui prend la défense des mendiants, il y a donc Monsieur Prévost qui rappelle simplement, alors on ne peut pas l'entendre parce qu'il y a un problème de micro et donc ça ne s'est pas entendu. J'ai essayé de noter tant bien que j'ai pu, hein. Ça dit, il dit qu'il rappelle simplement que le code de la démocratie locale ne prévoit pas qu'il puisse y avoir d'expression du public. Que ce soit en huant, même en applaudissant, et tout ce que l'on veut, ce n'est pas pour faire le facho ou le salaud, c'est juste un code qui rappelle la loi. Voilà, donc ça doit être silence dans le public. Et donc je trouve ça quand même énorme que le public ne peut même pas applaudir, on ne doit pas l'entendre, hein, ce public hein, du conseil communal. Mais par contre, les membres du conseil, eux, peuvent s'applaudir. Vous voyez, c'est déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, sincèrement, c'est pas normal, non l'assemblée populaire des gens qui viennent se déplacent pour défendre des idées ou en tout cas des règlements, des lois qui sont mises comme ça dans la ville, eh ben, ils doivent se taire. Voilà, l'assemblée populaire doit se taire, tandis que l'assemblée du conseil, cette assemblée peut s'applaudir, faire du bruit, enfin, c'est dingue. Je trouve ça dingue. Et j'ai envie de poser la question de pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi dans une même pièce, on peut voir des gens qui peuvent s'applaudir et puis d'autres qui peuvent absolument pas s'applaudir, pas s'encourager. Allez, c'est quoi la règle en fait ? Qu'il y aurait des gens qui ont plus de droits que d'autres ? En tout cas là, ça semble clair quoi. Il y en a qui ont le droit d'applaudir et puis d'autres qui n'ont absolument pas le droit d'applaudir. Ni de rien du tout d'ailleurs. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, et tout spécialement Guy Carpio, à qui je dédicace ce texte, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, Excusez-moi, le micro est un peu trop haut pour moi. Le 29 juin dernier, le Conseil communal a voté un règlement temporaire fixant les limites de la mendicité à Namur du 1er juillet au 30 septembre dans la plupart des rues commerçantes du centre de Namur, Jambes, Saint-Servais, Bouge et Salzine. Les mendiants auront tout de même la possibilité d'accéder à des douches gratuitement dans deux associations durant cette période. Un collectif citoyen s'est rassemblé autour des concernés, les mendiants d'humanité, et je sollicite mon droit d'interpellation citoyen pour vous demander d'abroger sans délai ce règlement voté par une partie du Conseil communal. Même si la date de fin prévue pour ce règlement est très proche. Je vous remets par ailleurs deux pétitions. Je vous les remettrai après. Enfin, je vous les remettrai. Elles rassemblent plus de 3000 signataires émus par cette décision à l'encontre des mendiants et qui soutiennent notre demande. Je ne reviendrai pas sur les arguments fournis par la ville de Namur pour justifier ce règlement que nous considérons comme terriblement discriminatoire et injustifié. Ce règlement qui écarte les mendiants des zones commerçantes sous prétexte que leur présence diminue l'attractivité de Namur, je le vois comme de la ségrégation pure et simple. Pire, une certaine partie de la population n'est pas digne de fréquenter les rues de notre ville parce qu'elle aurait des comportements inopportuns et agressifs. Lier mendicité et agressivité, c'est, je trouve, un raccourci déplorable et injurieux. Il y a des conducteurs bien plus agressifs que les mendiants. Interdire la mendicité dans les rues les plus fréquentées, c'est interdire la survie de personnes qui ont toute une histoire singulière et semblable à la fois. Ils sont aussi des sans-voix, contrairement à ceux dont vous avez écouté et acté les plaintes. Dans votre brochure, vous annonciez que les plus précarisés continueront bien à faire l'objet d'un accompagnement individuel et d'une politique sociale volontariste. Si je comprends bien, d'une main vous appliquez le bâton et de l'autre vous soignez les coups, mais loin, à l'abri des regards. Pour le moment, des réunions ont lieu entre Madame... Je ne sais pas bien comment on dit. C'est quelqu'un, des membres du service de la cohésion sociale de la ville, certains commerçants et mendiants, pour mettre en place l'après-règlement. Aucune association de terrain n'est conviée, aucun travailleur social, ni citoyen, aucun touriste non plus. Les choses se règlent donc au sein d'une audience limitée et peu représentative des parties réellement atteintes dans leurs droits. Nous demandons que le problème de la mendicité soit posé et débattu sans tabou. La mendicité est un symptôme dont les causes sont multiples. Elle est liée à la plus grande précarité, à l'appauvrissement inquiétant d'une partie de plus en plus importante de la population. Des gens basculent et se retrouvent un jour à la rue, en rupture de liens familiaux et sociaux. C'est aussi simple que ça. Mais je ne vous apprends rien, des études existent, et comme pour les manifs, les chiffres varient selon les autorités ou selon les organisateurs. Vous savez qu'un bâtiment a été ouvert pour accueillir des mendiants au Square Léopold. À côté de la revendication pour des logements plus accessibles, l'objectif de cette action était de tenter de suppléer à la fermeture de l'abri de nuit. Des gens sont arrivés, ont été nourris et hébergés. Cela n'aurait pas été possible sans la volonté d'une poignée d'indignés qui ne pouvaient pas se résoudre à l'idée que ces personnes dorment à la rue, encore plus que d'habitude, dans l'indifférence des autorités. Après des négociations courtoises et constructives, la société Buzzix a rompu la communication et a sommé les occupants de déguerpir sous peine d'astreintes surréalistes pour des personnes concernées. Avec tous ceux qui sont impliqués dans le projet d'hébergement, nous ne pouvons pas nous résoudre à les remettre à la rue. Dans ce lieu, des citoyens réfléchissent et posent ensemble, sans jugement, les jalons d'une communauté ouverte à ceux qui ont besoin de se reposer, de trouver de l'aide et de l'assistance pour envisager un avenir meilleur. Actuellement, 25 personnes sans domicile sont hébergées. Je ne suis pas travailleuse sociale, ni infirmière, ni psychologue. Je suis une simple citoyenne, comme tous les membres du collectif. Nos observations sont empiriques. Le bon sens est notre unique repère. Dans notre abri de fortune, j'ai vu arriver une femme sortie de l'hôpital après un séjour aux soins intensifs pour un AVC. Son ex-compagnon responsable de violence à son égard avait signé une décharge. Affaiblie, elle ne tenait littéralement plus sur ses jambes. Deux amis sur place se sont proposés pour faire le suivi que le DUS n'estimait pas nécessaire. Le relais santé l'a aussi aidé à se remettre sur pied. Et là, elle a dû retourner d'urgence à l'hôpital et a subi une intervention chirurgicale. Ils se battent à leur tour pour qu'elle ait un accès urgent à un appartement. Il y a aussi une jeune femme plus ou moins condamnée par la médecine qui vivait dans un garage qu'elle louait. Accessoirement, elle s'est aussi fait tabasser là-bas parce que son lieu de vie avait été réquisitionné comme salle de shoot. Toutes les femmes qui sont hébergées ont été victimes de violences qui leur laissent parfois de lourds handicaps. D'autres sont porteurs et porteuses de pathologies lourdes et ont besoin de soins médicaux réguliers. Plusieurs habitants sont sous administration judiciaire et doivent survivre avec à peine 200 euros par mois. La plupart de ceux qui logent au parc Léopold sont empêtrés dans un parcours du combattant administratif pour obtenir une adresse de référence, un logement, et nous les encourageons à tenir bon, à persévérer. À Namur, obtenir un logement privé sans salaire est une gageure. Quand l'intermédiaire est une société immobilière, premier écrémage. Pas de salaire, pas de logement. Les questionnaires d'entrée sont intrusifs et discriminatoires. Si on tombe sur un propriétaire conciliant, les cautions qui tardent à arriver du CPS font capoter la transaction. Le logement social est pratiquement inaccessible en cas d'urgence, 5 ans d'attente en moyenne. Des centaines de logements potentiels sont vides à Namur. Il reste les marchands de sommeil avec des loyers prohibitifs et pas de contrat de location pour les protéger. Et quand on a trouvé un logement, une fois que toutes les charges sont payées, la mendicité reste parfois la seule alternative pour boucler ses fins de mois. Je pourrais aussi vous parler d'une jeune maman en psychiatrie de jour qui doit quitter son appartement et qui n'a toujours rien trouvé. Retour à la rue. La plupart d'entre eux affrontent des problèmes d'addiction et ne sont pas pris en charge du tout, puisque les séjours de désintoxication se font sur base volontaire. L'alcool et les stupéfiants sont interdits à l'abri de nuit, ce qui est parfois physiquement intenable pour ces personnes. Retour à la rue. Au squat Léopold, ils sont libres d'aller et venir. Ils ont accepté les règles établies tous ensemble. Ils apprennent la vie en communauté et expérimentent une forme d'autonomie collaborative. Ils s'entraident avec un toit sur la tête. Ils peuvent souffler un peu. Ils ont besoin de soins, ils ont besoin de temps. Une nuit par-ci par-là, c'est pas assez pour se reposer, pour se poser. Dans la rue, il reste tous les autres que nous n'avons pas vus et qui passent aussi, eux, à travers les mailles de votre politique sociale volontariste. Nous savons que les gens de terrain font de leur mieux avec leurs petits moyens. On parle de 770 personnes à la rue ou au moins dans une précarité telle qu'ils sont obligés d'avoir recours aux relais sociaux. On dit que près de la moitié des villes wallonnes a son règlement anti-mendicité. Est-ce par effet de mode, de conformité que la ville de Namur veut le sien ? Les ressources ne manquent pas dans la tête, les mains et le cœur des citoyens namurois. Je sais de quoi je parle, je les ai vus à l'œuvre. On peut ne pas faire de politique et avoir une conscience politique, m'a récemment dit une amie. Les mendiants sont avant tout des personnes isolées dans la plus grande précarité, la plus grande fragilité. Nous vous demandons, plutôt que d'infliger une réglementation répressive, de réfléchir à des solutions qui ne pénalisent personne et où toutes les parties concernées peuvent s'exprimer de manière équitable et démocratique. Je vous remercie de votre attention. Oui, vous pouvez m'apporter la pétition, madame, il n'y a pas de problème. Merci. S'il vous plaît. Alors, nous avons maintenant 10 minutes de la part du collège pour vous répondre. Je vais commencer, puis c'est madame Skelkin alors qui poursuivra. Oui, madame Thieu. Oui, monsieur le Président, je ne voudrais pas que notre absence de prise de parole soit vécue par les personnes dans l'Assemblée qui peut-être n'ont pas connaissance de notre règlement, du fait que nous n'avons pas à intervenir sur les questions qui sont introduites par les citoyens en termes de droit d'interpellation. Donc c'est assez particulier parce que notre silence ne signifie en rien un manque d'intérêt pour la question et j'en veux pour preuve que un de nos conseillers a déposé au point 95 une question en point complémentaire qui abordera le sujet. Donc c'est déjà une première remarque. La deuxième chose, c'est est-ce que pour une bonne intelligence de ce dossier, est-ce qu'il ne faudrait pas aborder en même temps le point 95 puisque c'est le même sujet ? La question est posée. Je pense que c'est plus une bonne opportunité qu'une bonne intelligence, mais il n'y a pas de difficulté à pouvoir l'envisager parce que si je vous répondais non uniquement à la lumière du règlement, ce que je suis tout à fait en droit de faire, vous ne manqueriez pas de pousser des gros cris en disant que je veux empêcher un débat démocratique. Et donc, pour éviter de vous servir sur un plateau d'argent cette opportunité, je n'ai pas de problème à ce que M. Martin puisse développer maintenant, même si c'est tout à fait contraire au règlement, les deux questions qu'il avait posées et qui peuvent y être liées. Mais donc, de la sorte, nous augmenterons à due concurrence le temps de réponse aussi, qui est celle du collège, puisque normalement, pour chacune de ces deux questions, nous aurions aussi droit à 10 minutes, donc ça nous fera 30 minutes de réponse aux interpellations connexes, dirons-nous, de M. Martin, à qui je cède la parole. Et là, on va entendre des règlements internes, en fait. Hein, c'est le moyen qu'ils ont trouvé dans l'opposition pour se faire entendre à ce moment-là. Enfin, c'est C'est dingue, parce que pour finir, les gens concernés qui se sont déplacés, les citoyens, ce mouvement populaire qu'elle a, qui est bien gentil, hein, on l'entend absolument pas, il fait pas de bruit. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire de la politique ? Voilà, d'abord vous remercier pour une attitude qui m'apparaît être une attitude positive et en effet qui permettra à chacun et chacune, et ceux qui n'étaient pas préparés à s'attendre à avoir du courage pour la fin des débats, de pouvoir entendre ceci et ne pas les répéter deux fois, parce que je pense que la problématique, c'est la problématique des personnes qui sont précarisées, m'apparaît être assez bien relayée et vécue que pour pouvoir rajouter une dimension supplémentaire qui apporte des éléments nouveaux. Par contre, sur la forme, vous me permettrez de revenir à nouveau, puisque l'occasion nous est donnée, c'est le premier conseil après lequel nous nous voyons une longue période non pas tranquille qui nous a en fait assez bousculés durant cette période, puisque depuis le dernier conseil, sur ce dossier, nous avons réagi avec les moyens que nous avions pour pouvoir dire tout le mal que nous pensions de ce dossier. D'abord, nous l'avons fait le 29 juin dernier, puisque relayé d'ailleurs par les propos de fond du président du CPS, nous revenions demander un élargissement de la problématique à la grande précarité. Nous n'avons pas attendu, bien sûr, le règlement de mendicité pour intervenir, puisqu'en octobre 2013, moi-même, je demandais, alors que M. Noël n'était pas encore présent à cette chaise, mais son prédécesseur, qu'on puisse se pencher sur la question de la grande précarité, ayant chaque année à devoir finalement accuser le coup de la progression de la précarité sur Namur. La plus grande attention devait être requise pour pouvoir réfléchir ensemble à cette problématique. Autant que nous considérons que la mendicité n'est pas en soi le problème et surtout la cause à traiter, mais plutôt la précarité en tant que telle, avec sans doute, et pour reprendre les mots de M. Noël, une plus grande cohérence à apporter dans les services qui sont aujourd'hui octroyés à la population namuroise. Et je ne voudrais pas déformer mes propos en disant que rien n'est fait, bien au contraire, mais je pense qu'à un moment donné, le fait de se mettre autour de la table pour travailler à cette question-là est importante. Je pense que si vous aviez accepté de nous entendre, vous ne seriez plutôt élevé plutôt que de vous enfermer dans un règlement qui, pour nous, un, n'a pas raison d'être, et deux, aurait pu avoir d'autres louanges que celles qui aujourd'hui nous attaquent. Tout d'abord, sur la forme, je reviens, un comité élargi a été instauré il y a plus de 3 ans, donc lors de votre première mouture, pour faire en sorte de réfléchir à cette situation, à cette préoccupation de la mendicité. Malheureusement, le comité élargi n'a pas eu beaucoup de réunions, n'a pas eu beaucoup de fonds, et puis s'est accéléré apparemment lors de la période avant congé pour se tenir, je le rappelle, sans les conseillers de l'opposition et y compris les conseillers de la majorité, pour prendre une série de conseils, d'informations, mais aussi réfléchir avec ce comité plutôt que de faire un espèce de groupe de travail pour élargir et dont on sait que finalement son ordre du jour était assez réduit, puisque l'ordre du jour du groupe de travail qui a été instauré n'était rien d'autre que celui d'aborder la question de la mendicité sans plus. Nous avions donc demandé que ce groupe de travail puisse être élargi à la question de la précarité. Cela nous a été refusé, raison pour laquelle le groupe socialiste a souhaité ne pas poursuivre ses travaux, étant entendu que la problématique pour nous touche de loin la mendicité est un problème qu'il faut aborder avec toute la sérénité. La sérénité, nous l'avons demandé, c'était d'ailleurs une de nos conditions, c'était de pouvoir voir abroger le règlement pour faire en sorte que toutes les personnes qui étaient autour de la table puissent aborder cette question de précarité, voire de mendicité s'il le fallait, avec la sérénité qu'il s'impose et non pas la précipitation. Travailler avec un couteau sous la gorge ou l'épée de Damoclès au-dessus des têtes, je pense que ce n'était pas opportun. Pas opportun non plus de faire la sourde oreille quand on a demandé que le conseil communal puisse, comme le veut la loi, défaire ce qu'il avait fait. Nous avons regretté en effet que la majorité, à elle seule, puisse prendre des mesures concernant un règlement qu'elle avait elle-même édicté, et sans respecter celles et ceux qui sont autour de la table, à savoir les conseillers qui sont ici présents. Nous travaillons je pense, assez. Nous donnons notre avis et je pense que, en l'occurrence, le respect de notre travail et de notre voix, qu'elle soit en opposition ou qu'elle soit en phase ou tantôt en phase avec vous, doit être respecté. Et donc nous dénonçons l'attitude que vous avez eue de ne pas nous avoir écoutés et d'avoir pris des dispositions qui divergeaient. Alors que nous avions pourtant fait en sorte de faire entendre les problèmes qui auraient pu se poser, notamment les problèmes liés à la fermeture de l'abri de nuit, alors que nous avions attiré votre attention sur le fait qu'il manquait des dispositifs d'urgence et des dispositifs qui pouvaient prendre le relais à cette fermeture et surtout faire en sorte que les personnes qui étaient concernées par cette mesure allaient pouvoir être dignement respectées. Donc voilà, sur la forme, ce que nous souhaitions partager avec vous, puisque l'occasion nous est donnée après 2 mois sans conseil communal, pour vous demander une fois encore, et même si c'est symbolique, d'abroger ce règlement qui ne tient pas la route, et de pouvoir élargir le débat au débat de la précarité pour faire en sorte qu'on puisse travailler sereinement. Si vous me permettez alors de pouvoir rebondir sur l'autre question, la question sur le squat, et qui est liée, puisqu'elle est la conséquence également de cette mesure que vous avez prise. Si vous l'abordez maintenant, vous devrez le faire dans le temps des 3 minutes 20, tandis que si vous le faites... Il n'y a pas de souci, ça ira très vite. Je voulais juste demander quelles étaient finalement, même si j'ai suivi ça de près, les opportunités, en tout cas les contacts qui auront été établis, en tout cas la suite des contacts qui auront été établis. Est-ce que vous avez, oui ou non, réfléchi à des solutions qui pouvaient finalement apporter une réponse adéquate aux personnes qui ont pris possession des bâtiments et quelque part à récompenser le travail qu'ils ont mis en place, qui en tout cas doit être respecté dans la pédagogie et dans l'approche qu'ils ont voulu formuler, qui est une approche qui nous paraît positive. Donc la question de savoir quelle a été finalement la réponse du collège ou quelles sont les intentions du collège pour apporter nos décisions qui allaient porter un règlement sur nos tables dits pôles urbains. Je pense que le fait de créer un groupe de travail pour temporiser n'a pas calmé certains esprits, puisque je pense que, puisque le comité élargi était présent et avait des compétences en matière de mendicité, il aurait d'abord fallu prendre ce comité une réponse la plus appropriée à cette délégation et en tout cas de pouvoir apporter une réponse qui m'apparaît une réponse importante, j'ai envie de dire nécessaire, après finalement les conséquences que nous avons nous-mêmes induites par ce règlement. Merci. Merci Monsieur Martin. Donc le collège va disposer de 30 minutes pour pouvoir vous répondre et puis ensuite de quoi chacun d'entre vous disposera de 2 minutes, que ce soit Madame Fournier ou Monsieur Martin, pour la réplique finale. Alors, ça 3 fois 10 minutes, c'est pas de problème. Si techniquement on ne sait pas mettre 30, c'est pas une difficulté. Alors, je vous l'ai dit, ce conseil communal, il est inintéressant. Ça prend 2 heures pour dire rien du tout. Et là, particulièrement, bon, là, on va entendre enfin la réponse du grand chef, Monsieur Prévost. Et ben, tout ça pour dire ce que moi je pourrais te dire en 10 minutes, quoi. Vous savez, écoutez bien, c'est hallucinant. Et on comprend que les gens soient fatigués, que ça prend beaucoup de temps, mais on tourne autour et on dit pas vraiment. Et puis on caresse dans le sens du poil et puis on est très très très poli. Ah, c'est vraiment vraiment très très énervant. D'abord, merci Madame Fournier pour votre interpellation, parce qu'indépendamment du fait de savoir si oui ou non on peut en partager le fond, et on va y venir, c'est toujours un acte citoyen courageux et inédit, c'est pas donné à tout le monde, ni simple toujours, de venir prendre la parole devant les 47 élus du Conseil communal pour exprimer un point de vue, et donc soyez-en remerciés. Vous avez souhaité aborder, et M. Martin dans la foulée, un sujet qui est extrêmement sensible, qui est extrêmement sensible et sur lequel personne, ni nous, ni vous, ni quiconque ne dispose de solution miracle. On le voit d'ailleurs dans bien d'autres villes et communes du royaume, mais même au-delà, il n'y a pas de solution toute faite qui permette, hélas, d'éradiquer la pauvreté et qui permette d'apporter une solution qui soit toujours satisfaisante pour toutes les parties à cette situation liée à la mendicité, tantôt agressive, tantôt excessive, tantôt organisée. Vous avez eu raison de rappeler qu'il n'y avait pas lieu de faire des raccourcis déplorables et injurieux, pour reprendre vos termes, sur la question qui est liée aux sans-voix. Je reprends vos termes. Et c'est vrai, on fait beaucoup d'amalgame entre les questions liées à la mendicité et les questions liées au sans-abrisme. Alors elles se recoupent parfois. Elles se recoupent même souvent. Mais elles ne se recoupent pas toujours. Il y a effectivement des personnes qui sont sans-abri et qui ne mendient pas. Vous avez des personnes qui mendient et qui ont un toit. Et vous avez parfois les deux. La volonté de la ville, contrairement à toutes les caricatures dont on a pu nous affubler, qu'on a pu lire ici à gauche ou à droite, n'est certainement pas de faire une chasse aux pauvres. Nous avons, et on en est fiers, et je remercie d'ailleurs que, y compris dans les délégations des mendiants, ça a été reconnu. Nous avons, et nous en sommes fiers, un grand dispositif d'aide sociale sur Namur et de soutien à la précarité. Un de ceux parmi les plus développés des villes wallonnes. Et nous y avons toutes et tous contribué. Moi-même, quand j'étais échevin en charge de la politique sociale, avec par exemple le nouvel abri de nuit et la mise sur pied du relais social urbain namurois qui n'existait pas, et Mme Skelkin aujourd'hui, ou encore le CPS dans les actions qui sont menées antérieurement par M. Defaite et aujourd'hui par M. Noël. Mais rappelons aussi le comment du pourquoi. Nous ne sommes pas réveillés un matin en se disant bah, « Tiens, aujourd'hui, on va prendre une décision qui nous permettra de nous faire huer, qui nous permettra de nous faire crier dessus. » L'enjeu, c'est d'arriver, et ce n'est pas simple, à garantir le vivre ensemble et une cohabitation de tous sur l'espace public. Et les personnes qui mendient, et dont une partie sont aussi aujourd'hui représentées, avec certains de leurs soutiens dans la salle, demandent le respect de l'action qu'ils mènent. Il faut que nous, autorités, nous entendions leur message. Je voudrais aussi qu'ils entendent le message des autres et qu'ils acceptent et respectent aussi le message des autres. Parce que nous, comme autorité communale, on doit trouver le juste point d'équilibre entre l'indispensable solidarité et la nécessité aussi de garantir la cohabitation et la tranquillité publique sur l'espace public, avec tous les publics. Les citoyens lambda, les touristes, les commerçants, les personnes fragilisées ou celles qui le sont moins. Je regrette donc, et sur le plan humain, on ne peut pas dire qu'on ait chacun bien vécu ce qui s'est déroulé début juillet, et surtout l'instrumentalisation politique et médiatique qui en a été faite. Et là-dessus, il faut reconnaître que ça a réussi. En la circonstance, vous êtes fait, madame, comme beaucoup dans la presse, l'écho des sans-voix, pour reprendre votre terme. Je veux aujourd'hui que nous puissions aussi entendre l'écho de ceux qui ont des voix mais qui n'osent plus la dire. Parce que comme ce n'est pas politiquement correct, à l'heure actuelle, d'aller dire qu'on est favorable à un pareil règlement, il y a plein de gens, de citoyens, de commerçants, qui n'osent pas le dire sur les réseaux sociaux, de peur de se faire lyncher, et il y en a plein qui n'osent pas le dire à la presse. Et donc tout l'espace médiatique est aussi quasi exclusivement utilisé par les messages de bien-pensance et d'honneur de leçons. Nous ne sommes pas bêtes au point d'avoir imaginé que nous allions résoudre la question de la mendicité en prenant un dispositif qui allait durer uniquement 3 mois sur une zone restreinte de la ville. On n'est pas bête au point d'avoir cru ça. Ça fait plusieurs années que la situation est délicate et nous avons été confrontés à une recrudescence aussi des phénomènes de mendicité et également des mendicités progressives. J'ai aussi une farde entière ici derrière de témoignages, de courriers, d'emails, de lettres qui nous sont adressées, qui me sont adressées comme bourgmestre de la part de citoyens qui méritent autant d'être écoutés et entendus que vous ne le méritez. Il n'y a pas d'un côté les bons qui défendent de les SDF et les mendiants et de l'autre les salauds qui veulent une autre manière d'utiliser l'espace public. Il y a beaucoup de témoignages dont je pourrais aussi vous donner lecture notamment pour que nos amis les médias se rendent compte aussi de ces messages qui nous parviennent et pour lesquels les gens attendent une réaction de l'autorité. Des commerçants qui m'ont même autorisé à citer leur nom en disant qu'ils étaient rackettés et qu'ils faisaient l'objet aussi de difficultés dans le chef de certains mendiants. Évidemment, personne ne doit faire d'amalgame en mettant tout le monde dans le même sac. Mais on doit aussi éviter de mettre la tête dans le sable en faisant croire que ces actes-là n'existent pas. J'ai des papiers entiers d'InfoScam. Rien que sur ce mois de juillet, 22 plaintes ont été déposées. Rien que sur ce mois de juillet. Il y a des gens qui expliquent leur volonté de ne plus venir sur Namur. Des commerces qui disent que c'est plus possible si ça continue avec nos pertes de chiffre d'affaires à proximité de la place d'armes, pour prendre un exemple, on va se retrouver en difficulté. Ce sont des messages qu'on doit entendre. Ces courriers de gens qui nous sont adressés en disant « Je n'ose pas aller retirer mes crédits auprès de certaines institutions bancaires parce qu'on met le pied dans la porte au moment où, moi, personne âgée, je retire les sous et je me sens en insécurité. » Ces derniers mois, il y a eu une inflation d'actes problématiques en termes de mendicité. Ces derniers mois, il y a eu une inflation d'actes problématiques en termes de mendicité. Il y aurait évidemment plein de choses à dire, mais là, vraiment, j'en tiens une bonne, quoi. J'entends inflation, donc l'inflation. Ces derniers mois, il y a eu une inflation à la mendicité. Le mot inflation, monsieur Prévost. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Voilà. Il faut parler de... Ça n'a rien à faire là, ce mot-là. L'inflation, c'est... Enfin, moi, je trouve que ça résume bien tout ça. Voilà, c'est... On ne se pose pas une seule fois la question de la mendicité, de la pauvreté, des gens qui sont dans la rue. C'est pourquoi on en arrive là. Enfin, vous voyez, comme si on avait envie de faire carrière. Voilà, je suis dans la rue et pas une seule fois on prend le temps de parler de ça. Et je peux comprendre que ceux qui sont étrangers à tous ces actes, les mendiants qui n'ont pas eu d'attitude agressive, peuvent se sentir injustement punis comme... La métaphore de la classe qui est entièrement punie parce qu'il y a eu quelques mauvais élèves. Mais à un moment donné, légalement, on ne peut pas prendre non plus de disposition disant « Si vous êtes un bon Namurois de souche bien sympa, vous êtes exonéré de l'application d'un règlement et si vous avez un look des pays de l'Est, d'office, vous êtes embarqué. » En vertu du principe de non-discrimination, c'est tout ou c'est personne. Et ce que nous avons souhaité à travers l'adoption de ce règlement, pour lequel il est vrai, je confesse qu'on aurait dû prévoir peut-être un délai plus long entre le moment où la disposition a été adoptée et le moment où elle a été mise en œuvre, parce que ça est apparu dès lors d'autant plus brutal. Mais sur le fond, ce qu'on a souhaité, et je n'en ai pas de regret, c'est donner un signal aussi de « hola ». Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Donner un signal à un moment donné pour mettre le frein, un coup d'arrêt à cette explosion de la mendicité et tous les témoignages réguliers qui nous parvenaient et que l'on doit aussi comme autorité publique entendre. C'est aussi notre responsabilité. Et parallèlement, s'est enclenché un processus sur lequel Mme Leschfine reviendra bien entendu, lié à la concertation pour voir demain, au vu probablement de l'imperfection des dispositifs, ce qu'il conviendrait de mettre en œuvre. Parce que ne nous mettons pas la tête dans le sable non plus, il y a maintenant sur le territoire namurois des gens qu'on ne voyait pas avant le mois de juillet. Il y a des gens qui demandent maintenant le RIS au CPS de Namur, qui émargeait à d'autres communes antérieurement. Il y a eu aussi des éléments plus problématiques liés aux fameux squats. Quand vous avez dit qu'un bâtiment a été ouvert, bon, n'a pas vraiment été ouvert volontairement, mais en tout état de cause, il a été squatté. Ce n'est pas neutre et j'y reviendrai sur cet aspect-là pour ne pas éluder la question. Donc on tente, face à une réalité complexe, de trouver un juste point d'équilibre et lors des débats qui ont eu lieu en juin sur ce dossier. Pendant 1h30 à 2h, ce conseil en a discuté de manière sereine, avec des divergences de vues, avec des points de vue qui ont été exprimés, mais avec sérénité. Et je pense qu'on a tous collectivement intérêt à retrouver cette sérénité et en ne catégorisant pas les gens entre les bons, les mauvais, les gentils, les méchants, les cordiaux et les salauds. Et la ville de Namur doit aussi entendre cette nécessité de retrouver des règles de cohabitation sur l'espace public. C'est l'objet aussi de la concertation qui s'est mise en œuvre et qui peut se poursuivre. Et ma foi, le groupe PS avait souhaité à l'époque élargir les questions sur la précarité. On sait qu'au quotidien, de manière permanente, il y a des organes sur lesquels toutes les formations politiques sont présentes et représentées et qui traitent de ces questions. C'est notamment le Conseil de l'Action sociale, pour ne prendre qu'un exemple. Donc, faisons en sorte, oui, on peut passer aux 10 minutes suivantes, sinon je ne serai pas juste, puisque j'ai 3 fois 10 minutes, merci. Donc, évitons la caricature et soyons attentifs à comprendre qu'il y a des réalités différentes et qu'il y a énormément de Namurois qui sont animés par de la solidarité. Puisque j'ai aimé, Madame Fournier, que vous rappeliez que bien que vous ne fassiez pas de la politique, ça n'empêchait pas d'avoir une conscience politique. Vous avez raison. Et je répondrai que bien qu'on fasse de la politique, ça ne nous empêche pas d'avoir une conscience sociale. Et le fait d'avoir cette conscience sociale, et je la revendique, peu importe la manière dont les uns et les autres peuvent me dépeindre dans la presse ou sur les réseaux sociaux, je sais ce que j'ai fait pour la politique sociale dans cette ville et au niveau de la région, et j'en suis fier. Il y a aussi, dans le chef du bourgmestre et dans le chef des élus d'un collège, la nécessité de prendre à un moment donné des dispositifs qui mettent un frein à des éléments problématiques, et a fortiori, sachant que nous sommes une des seules villes à ne pas disposer de réglementation en la matière. C'est tout le paradoxe. On se fait pointer du doigt singulièrement par les groupes d'opposition au motif que nous avons adopté des réglementations, là où toutes les villes qui en ont adopté et qui concernent l'encadrement de la mendicité sont pourtant sous majorat socialiste. Donc on est dans une démarche où on ne cherche pas une course à l'échalote pour dire qu'il faut d'autres règlements parce que les autres en ont. On est dans une réalité où, parce que les autres en ont et n'amurent pas, il y a eu aussi une convergence et une venue dans des proportions qui sont devenues un point de rupture de l'équilibre d'occupation de l'espace public et pour lequel il fallait, à un moment donné, mettre le holà. Olé, olé, olé, olé, olé. والليل غير والليل ما تمشيش لالا. S'agissant de la question du squat, pour ne pas éluder la question, le squat, il est problématique. Tout squat, par nature, est problématique. Parce qu'on a d'un côté le droit constitutionnel au logement, qui est reconnu, et de l'autre, le droit tout aussi constitutionnel à la propriété. Mais il y a surtout, au-delà de cette confrontation, des enjeux de sécurité publique qui imposent et mobilisent la responsabilité pénale et civile des élus et singulièrement du bourgmestre. Vous ne pourrez pas donc entendre de ma bouche, comme représentant d'une autorité publique, que je cautionne un squat. Je ne peux pas, comme autorité publique, cautionner le viol du bien d'autrui, que ce bien soit privé ou public. C'est une réalité juridique. On peut avoir ses ressentis, on peut considérer que c'est louable ou que ça ne l'est pas. En droit, ce n'est pas quelque chose que l'on peut cautionner. J'ajoute que le major des pompiers m'a dit son inquiétude quant aux questions d'incendie. Il y a eu un premier rapport de prévention qui a été réalisé. Je vois Ludwig qui fait des gros yeux, j'y arrive. Sauf que son officier supérieur de prévention a clairement dit que ça pouvait être suffisant ou rassurant pour quelques jours tels que ça avait été organisé, mais certainement pas de manière durable, avec des risques en termes d'incendie plus conséquent, d'autant que le bâtiment n'est pas un bâtiment qui répond aux normes du logement, mais qui répond à des normes liées à du commerce. Ce ne sont pas les mêmes normes. Et je ne jette pas la pierre à Bézix d'avoir saisi la justice. Alors je pourrais hurler avec tous les loups et dire aussi que c'est des salauds. Mais en la circonstance, si demain, il y a un problème, un incendie quelconque, que tout le bâtiment prend feu, qu'il y ait des morts dans cet incendie, tous ceux qui ont fait des articles et des papiers entiers ou qui ont relayé sur les réseaux sociaux ou ailleurs ce message selon lequel la ville devait agir, les accueillir, laisser faire, etc., seront probablement les premiers à pointer du doigt l'irresponsabilité de la ville et la conclusion dramatique liée au décès des uns ou des autres. Et c'est la responsabilité pénale et civile du bourgmestre qui serait directement engagée devant les tribunaux. Et ça, je pense que chacun doit, en raison, comprendre que ce n'est pas possible et acceptable. Dans l'intérêt de votre propre sécurité, d'ailleurs. Et donc, la décision qui a été prise par le juge, c'est pas par la ville de Namur, de quitter les lieux, je ne peux que vous exhorter sereinement, poliment et confraternellement à la mettre en œuvre et à partir, parce qu'effectivement, il y a un danger qui est aussi couru par les personnes. Le major des pompiers m'a dit qu'il souhaitait d'ailleurs faire un rapport complémentaire pour en attester. J'ai rencontré début de cette semaine, lundi matin à 8h, une délégation de 5 ou 6 représentants du collectif ou des mendiants qui sont venus m'expliquer leur projet pédagogique lié à la volonté de disposer d'un lieu en autogestion pour pouvoir alors éviter de squatter, mais pour pouvoir continuer à fonctionner comme ils le font dans un endroit plus approprié. J'ai entendu la demande, elle n'est pas dénuée d'intérêt sur certains aspects, elle n'est pas dénuée non plus de problèmes sur bien d'autres. Aller créer un lieu en autogestion avec plusieurs dizaines de SDF à placer en cœur de ville n'est pas pour autant quelque chose qui coule de source, ne fût-ce que pour la cohabitation aussi avec les riverains, ne fût-ce que pour les questions de responsabilité, ne fût-ce que pour les risques d'appel d'air sur notre territoire communal, qu'on ne peut pas nier non plus. Ça existe déjà depuis le squat Léopold, et ça pourrait alors s'amplifier. Donc je ne cache pas que, après qu'on en ait discuté entre membres du collège, on reconnaît des éléments positifs dans la démarche, mais on a jusqu'à présent les plus grandes réserves quant à la concrétisation de celle-ci sur notre territoire, a fortiori sachant que certains biens, qu'ils soient publics ou privés, a fortiori publics pour ce qui nous concerne, ne seront pas soit de notre ressort, soit sont destinés à la concrétisation de certains projets à moyen ou court terme. Voilà ce que j'avais envie de dire pour que l'on puisse aussi entendre les différents points de vue, y compris de ceux qui se sont moins exprimés dans la presse parce qu'ils n'osent pas le faire de peur que ce soit politiquement incorrect, mais qui sont autant de citoyens ou de commerçants que nous fréquentons et que nous croisons, qui nous interpellent ou qui nous écrivent, et qui ont apprécié qu'il y ait au moins un signal de haut là. Je me suis même fait fustiger et engueuler, pour être très clair, du fait d'avoir accepté même une souplesse pendant un mois auprès de toute une série de personnes. L'abri de nuit est toujours aujourd'hui fonctionnel. Nous avons veillé, Madame Leschwin le dira, à être attentive aussi, à améliorer encore le dispositif pour l'avenir. Donc nous revendiquons cette volonté, je le redis, d'avoir une politique sociale volontariste, mais nous ne pouvons pas pour autant être dans une démarche du bras de fer et de situations illégales que nous devrions cautionner tel un squat et qui mettraient en danger les occupants eux-mêmes de ce squat. Personne n'a envie de rejouer la partition du début juillet avec la mobilisation des forces de l'ordre. Personne n'en a envie. Donc que chacun fasse un pas vers l'autre en étant raisonnable et que nous puissions alors tirer le meilleur bénéfice des réflexions qui sont en cours et que Mme Leschwin va rappeler, pour se sortir d'épaisseur et d'ici quelques semaines, avoir alors un élément de perspective qui soit plus sereine et plus communément admise et partagée de part et d'autre, mais pas de politique non plus de l'autruche, en ayant pensé qu'il n'y a pas de problème dans le centre-ville, qu'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas de difficulté. Il y en a eu de très nombreuses qui ont été exprimées, il y en a encore qui nous sont exprimées pas plus tard qu'aujourd'hui. Des commerçants qui viennent jusque à mon cabinet pour dire leur désarroi et le fait qu'ils n'en peuvent plus. Entendons-le et voyons alors comment demain on peut évoluer dans l'intérêt de tous, et pas dans les intérêts de seulement quelques-uns ou quelques autres. Madame Leschfine, je vous en prie pour poursuivre, et puis vous aurez droit encore à 10 minutes après. Voilà, merci monsieur le bourgmestre pour tous les propos que vous avez tenus. Et effectivement, je tiens à pouvoir évoquer de manière plus large les questions de la mendicité et de la précarité ici à Namur. Les interpellations de Madame Fournier, la question de Monsieur Martin, comme toutes celles sur le sujet depuis ces dernières semaines et à de nombreuses reprises, mettent le doigt sur le travail quotidien d'une équipe de plus de 120 personnes au service de la cohésion sociale de la ville de Namur. Je pense aux travailleurs du dispositif d'urgence sociale, aux travailleurs sociaux de proximité, aux éducateurs de l'abri de nuit, aux gardiens de la paix, mais aussi aux travailleurs du CPS, du relais social urbain namurois, du relais santé et de nombreuses associations. Tous ces travailleurs sont des travailleurs engagés et fervents dans le travail qu'ils mènent au quotidien. Et tout ce travail et tout ce débat préexistait avant le règlement qui nous occupe aujourd'hui. Et tout ce travail sur le terrain n'a pas cessé d'avoir lieu ces dernières semaines, comme nous le faisons depuis de nombreuses années au quotidien, avec volontarisme et engagement des travailleurs. Tout ceci ne porte pas d'uniforme, ils sont donc peu visibles sur le terrain, mais je vous assure de leur présence inébranlable, ils sont les yeux, les oreilles de la ville en rue, et ils nous remontent toutes les situations qui sont connues sur le terrain, ils remontent toutes ces situations vers nos services, chaque rencontre, chaque situation fait l'objet d'un rapport, d'une analyse et d'une concertation. Pour preuve de l'assiduité de ces travailleurs, il n'y a pas un cas sur lequel un citoyen nous ait interpellé qui soit inconnu de nos services. L'actuel débat sur le sujet, comme M. Prévost l'a dit, aura certainement eu pour avantage de faire connaître au grand public la situation de détresse de certaines personnes, mais ne croyez pas un seul instant que ces situations soient nouvelles pour nous, soient nouvelles pour la ville. Ces histoires bouleversantes, comme vous les racontez, malheureusement, nous les connaissons. C'est le quotidien de nos équipes qui ont, outre leur formation sociale et leur expérience, comme meilleur outil, leur bon sens, comme vous l'avez si bien expliqué, Madame Fournier. Sur le terrain, face à l'humain, la meilleure arme reste l'humain. Et vous avez bien raison de le souligner, chacune de ces personnes vit une histoire singulière et semblable à la fois. Ce n'est que trop vrai. Ce qui existe, que tous ces cas par cas ne peuvent trouver une réponse unique à l'ensemble de leurs problèmes. Aucune réponse, aucune solution magique, mais bien sûr, chaque fois, un accompagnement individuel pour aider l'ensemble de ces personnes. Je l'ai dit, à tous ces travailleurs de terrain de la ville s'ajoutent de nombreuses associations, ce sont des travailleurs, mais aussi des bénévoles qui cherchent toujours à gonfler les équipes de ces associations. Alors, M. Martin, vous l'avez dit, depuis 2014, différents groupes de travail ont été mis en place. Ils se sont réunis plus d'une dizaine de fois sur le phénomène de la mendicité. Suite aux différentes interpellations, nous avons également souhaité mettre en place un groupe de travail pour discuter, réfléchir, co-construire une solution pour l'après-règlement. 3 réunions ont déjà eu lieu, une première au mois de juillet, 2 au mois d'août, et le travail de réflexion, de co-construction, de concertation, de dialogue entre les différents acteurs va continuer. C'est un engagement qu'a pris la ville, c'est un engagement que nous tiendrons. Ce groupe est composé de représentants de la ville, de différents services, de représentants des groupes politiques, les conseillers indépendants ont également été invités, de représentants du CPS, du relais social urbain namurois, du NIA, le Centre pour l'égalité entre l'égalité des chances, au niveau du pouvoir fédéral, des représentants des mendiants, des représentants du Conseil consultatif du social, de la police, des associations des commerçants de Namur et de Jampe, et également de Go, la gestion centre-ville ici à Namur. Donc, il faut le dire qu'il n'y a pas de travailleurs sociaux autour de la table, il y en a plusieurs qui viennent faire part de leur expérience et qui viennent apporter toute une série d'éléments dans le débat que je souhaite participatif et constructif. Alors une audience que certains peuvent estimer limitée, mais il nous a semblé que trop de personnes autour de la table ne permettraient pas d'arriver à avancer le plus rapidement possible comme certains le souhaitent. Alors bien sûr, nous avons souhaité que des mendiants soient invités autour de la table, soient invités au groupe de travail, d'abord pour que chacun puisse entendre les difficultés des uns et des autres, pour que ce vivre ensemble, comme l'a exprimé M. Prévost, soit une réalité, pour que les difficultés tant des mendiants que des autres utilisateurs du centre-ville puissent être entendues autour de la table. C'est un débat qui est, certes, qui prend du temps, c'est un débat qui est parfois animé, mais c'est un débat, je pense, intéressant, qui nous permet de nous connaître, de connaître la vie des uns et des autres, de pouvoir ensemble travailler à l'après-règlement. Chacun de ces mendiants, on l'a dit, vit une situation particulière. Il est aussi difficile de pouvoir représenter tout le monde. Et comme vous l'avez dit, Madame Fournier, la mendicité est un symptôme dont les causes sont multiples. À cela, je voudrais aussi ajouter en réponse à M. Martin que nous n'avons pas fait la paix sur le débat de société qu'est la mendicité ou la précarité. Nous n'avons pas attendu cet été pour aborder ce sujet, les enjeux du logement pour tous ou le sans-abrisme. À côté de ces groupes de travail, la question de la mendicité, de la précarité est au cœur des réflexions en d'autres lieux. Je pense notamment au Conseil consultatif du social, je pense au relais social urbain Almurois ou encore au CPS. L'aide sociale doit être sans cesse repensée, renouvelée. C'est le travail au quotidien de l'ensemble des équipes. Le questionnement fait partie de notre travail. Il nous fait avancer et progresser. Nous ne sommes pas sourds et aveugles à la réalité du terrain, que du contraire, nous écoutons, nous avançons, parfois difficilement, mais nous tentons toujours d'améliorer l'offre ici à Namur. Le règlement est un examen temporaire, nous permet de recueillir des informations pour amorcer une autre démarche à l'avenir. Par mesure d'efficacité, nous l'avons dit, il continuera à son terme et l'analyse continue au niveau des différents services compétents. Je profite aussi de l'interpellation pour rappeler que l'ensemble des groupes politiques sont attendus autour de la table. Ils sont les bienvenus. Donc, M. Martin, vous pouvez bien sûr toujours revenir travailler, co-construire avec nous autour de ce groupe de travail, autour de cette table. Je souhaite aussi redire que l'objectif de ce groupe de travail, c'est veiller au vivre ensemble pour tous les usagers du centre-ville. Et donc, pratiquement, nous attelons à préparer l'après-règlement et à définir les comportements qui peuvent heurter certains et qui pourraient par la suite être intégrés pour faire amender le règlement communal de police. Je pense à différents éléments qui ont été évoqués en cours de réunion, comme le fait d'avoir un trop grand nombre de personnes mendiant en un même lieu, le fait de rester devant une vitrine, le fait d'être avec des enfants, le fait d'être devant une banque ou à trop proche proximité d'un bon contact. Ce sont aussi des éléments qui nous remontent du terrain et de différentes personnes qui nous font part de leurs difficultés. Alors nous avançons. Mais comme nous sommes à plusieurs têtes pensantes et parce que nous abordons cette problématique sans aucun tabou, dans une volonté de co-construction et de concertation, cela prend du temps, mais je pense effectivement que le temps est utile dans cette thématique pour pouvoir construire ensemble l'après-règlement. Différents éléments ont déjà trouvé écho, comme par exemple avoir un document explicatif dans un langage plus accessible, voire traduit dans différentes langues qui pourraient être mis par la suite par les travailleurs sociaux. Peut-être aussi devons-nous mieux communiquer et davantage communiquer sur les différents services qui existent au niveau du terrain namurois, tant au niveau de la ville, du CPS, du relais social urbain namurois ou des associations. Il y a pléthore de services, heureusement, mais peut-être certains sont-ils moins connus. Donc nous devons aussi davantage encore communiquer et mieux communiquer. Je voudrais aussi terminer en disant nous ne sommes pas sourds, nous ne sommes pas aveugles. Nous avons entendu, j'ai entendu les difficultés par rapport à l'abri nuit. Et donc collectivement, le collège communal a décidé ce début de semaine, et donc nous pouvons faire l'annonce aujourd'hui, que des moyens seront dégagés pour que désormais l'abri nuit soit ouvert toute l'année, qu'il n'y ait plus de période de vacances. Bien sûr, peut-être que quelques jours de fermeture seraient nécessaires pour des travaux de rénovation, d'entretien du lieu. Mais en tout cas, c'est un engagement que nous avons pris et que je peux annoncer aujourd'hui. L'abri nuit sera donc ouvert toute l'année. Rappelons que Namur a fait le choix d'avoir un abri nuit. Toutes les villes n'ont pas d'abri nuit. Nous avons fait ce choix. Et Namur a également fait le choix d'avoir une ouverture très grande, d'avoir pu aussi améliorer le dispositif d'accueil, notamment par rapport au nombre de nuitées ou de personnes dans lesquelles les personnes sont accueillies ici à Namur. Donc, à nouveau, nous faisons ce choix. Nous posons cet acte volontariste d'une politique sociale forte, ambitieuse, à l'écoute des difficultés des uns et des autres. Donc voilà, en tout cas, une avancée, je pense, qui mérite d'être soulignée aujourd'hui. Et je voudrais terminer en reprenant vos termes, Madame Fournier, en vous confirmant notre pleine conscience de la fragilité dans laquelle se trouvent les mendiants, les personnes précarisées, les sans-abri, et de notre volonté ferme, tant du côté du politique que de l'administration, que l'ensemble des services, notre volonté ferme de trouver des solutions qui ne pénalisent personne. J'ai même envie de reprendre une de vos phrases, Madame Fournier, dans votre interpellation. Le bien de tout le monde prévaut sur le bien d'un seul, et Namur est une ville où tout le monde, chacun, doit trouver sa pleine place, sa place, et j'insisterai sur le tout le monde sans aucune exception. Merci pour votre attention. Merci Madame Lichfine. Madame Fournier, vous avez maintenant alors 2 minutes pour la réplique et puis Monsieur Martin aura 2 fois 2 minutes pour pouvoir aussi répliquer comme le prévoit le règlement. Je vous en prie Madame. Attendez parce que votre micro ne marche pas. Non, c'est juste par correction pour que chacun puisse vous entendre. Attendez. 1, 2. Voilà. Ah là, ça y est. Rock'n'roll. Je décline toute responsabilité en matière de changement d'ordre du jour du Conseil communal. Je veux d'abord vous le dire, je ne savais pas que ça allait faire ça. J'ai bien tout entendu, ce que vous avez dit. Ça ne change pas du tout mon avis. Il y a juste... Donc, je vous rejoins, hein, je veux dire, je suis absolument convaincue qu'une vieille dame qui prend de l'argent au banc contact avec quelqu'un qui l'attend à côté, elle flippe. Moi aussi, je flippe. Je veux dire, mais sauf que tous les mendiants ne font pas ça et que, comme l'a dit Mme Skaïkin, pourquoi est-ce qu'on ne met pas véritablement le vivre ensemble, mais vraiment, quoi, au centre de la table. Donc, madame qui a peur du mendiant le dit, monsieur le commerçant qui est fauché le dit, monsieur le mendiant qui, et on écoute tout le monde, et pas de manière répressive, ni en alignant sur la même phrase, de nouveau, agressivité, mauvais comportement. Excusez-moi, mais les fêtes de Wallo, c'est pas des mendiants, quoi, mais je vous jure que quand je rentre chez moi, j'ai juste envie de pleurer, quoi. Je veux dire, et il y en a beaucoup, hein, là, c'est toute la ville de Namur, et comme ça, tout à coup. Donc, voilà, moi, je trouve que justement, le vivre ensemble devrait, le bien commun devrait être mis au milieu de la table et tout le monde devrait pouvoir oser dire. C'est pour ça que je disais sans tabou. Moi, je suis pour qu'on dise à chacun quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. J'ai aucun problème avec ça. Mais je veux dire que les gens qui culpabilisent dans leur coin parce qu'ils osent pas le dire, et je suis la première, c'est pas facile de dire à quelqu'un qui nous demande « Hey, t'as pas un franc ?» Ben non, mais il faut apprendre à dire non, en fait. Et prenons éventuellement tout le monde au jeu. Il y a un règlement... un DRG qui existe, où tous ces comportements-là sont déjà répertoriés, ben allons-y, appelons les policiers chaque fois qu'un mendiant a un comportement qu'on trouve désagréable. Prenons la peine d'attendre la police quand elle arrive, et voilà, faisons-le en fait. Faisons-le. Je ne suis pas contre ça, c'est écrit. Mais l'argument sécuritaire, non, j'arrive pas à adhérer, quoi. Excusez-moi. Merci madame en tout cas pour votre réplique et pour le temps que vous avez consacré au jeu de la démocratie locale, jeu essentiel et crucial. Et monsieur Martin alors dispose des 4 minutes de réplique en conclusion de ce débat. Nous en arrivons dès lors maintenant à la 3e demande d'interpellation qui a été introduite par un citoyen, monsieur Laurent Wilmet, au nom du collectif Ma Commune hors CETA. Bonsoir monsieur Wilmet, soyez le bienvenu. Nous vous cédons alors le micro pour 10 minutes de prise de parole pour développer votre sujet d'interpellation. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers, donc comme vous l'avez dit, je m'adresse à vous au nom du collectif citoyen Ma Commune hors CETA. En fait, lors d'une interpellation de leur conseil communal, des citoyens de Saint-Gilles ont bien résumé le danger inhérent aux traités de libre-échange tels que le TTIP, le CETA ou encore le TISA. Ces traités ne sont pas seulement commerciaux, ils font peser de graves menaces sur nos sociétés à tous les niveaux, environnementaux, sociaux, sanitaires, démocratiques. Ces traités pourront avoir force de loi jusqu'à l'échelle communale et seront susceptibles d'enlever aux citoyens tout pouvoir d'influence et de décision au niveau de sa vie quotidienne. Il est tout bonnement inconcevable de négocier des accords d'une telle importance sans aucune transparence et sans devoir rendre compte. Fin de citation. Nous ajoutons au niveau de notre collectif qu'il est également inconcevable de mettre entre les mains des multinationales qui n'ont d'autre objectif qu'une recherche effrénée du profit, l'essentiel du pouvoir décisionnel, et ce, à tous les niveaux de pouvoir, y compris communal. Ces traités ne vont en effet pas seulement priver les citoyens de leur droit de faire entendre leur voix, ils vont également museler les élus quant à leur pouvoir décisionnel dans des secteurs fondamentaux, si les décisions prises vont à l'encontre des intérêts financiers des multinationales et de leurs actionnaires. Les élus namurois ont déjà montré, au travers de la motion qu'ils ont votée le 28 mai 2015 au sujet du TTIP, qu'ils entendaient les craintes des citoyens relatives aux dangers de ces traités de libre-échange. Alors me direz-vous pourquoi une nouvelle interpellation citoyenne sur les traités de libre-échange alors que Namur a déjà signé une motion à propos du TTIP ? Simplement parce que depuis le vote de la motion par le Conseil communal en mai 2015, le CETA a été ratifié par le Parlement européen à Strasbourg, et que, parallèlement, le TISA continue à être négocié dans l'ombre, menaçant ce qu'il reste de nos services publics, pourtant déjà malmenés par diverses vagues de libéralisation et de privatisation. Simplement aussi parce que ces traités sont toujours au cœur des préoccupations d'une part non négligeable de la population. Il est en effet indéniable que notre point de vue sur les dangers de ces traités de libre-échange transatlantiques font... Il est en effet indéniable que notre point de vue sur les traités... sur les dangers que ces traités de libre-échange transatlantique ont pesé sur nos démocraties est largement admis dans la population en Wallonie, mais aussi partout ailleurs en Europe. Il suffit pour s'en convaincre de noter que l'initiative citoyenne européenne demandant de stopper le TTIP et le CETA a recueilli pas moins de 3 284 289 signatures. La Commission n'avait pas reconnu cette ICE, mais la Cour de justice européenne lui a donné tort sur ce point. En outre, en janvier 2017, une pétition contre le CETA recueillit quelques 562 000 signatures en Autriche, obligeant le Parlement autrichien à débattre à nouveau de cette question. Nous vous remettrons également une pétition qui est beaucoup plus modeste, mais que nous avons fait signer dans le cadre de la demande que nous vous adressons. La résistance wallonne au CETA se fondait bien sûr sur un important travail parlementaire, mais pouvait également s'appuyer sur un important soutien citoyen. Attardons-nous d'ailleurs un moment sur ce CETA et signalons que cette résistance wallonne, comme d'autres de nature différente ailleurs en Europe d'ailleurs, a permis de poser certaines balises, mais que ces balises sont loin d'être suffisantes pour que ce traité ne constitue plus une menace pour nos démocraties dans les domaines sociaux, environnementaux, sanitaires, agricoles et culturels. Pour ne prendre qu'un exemple, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États reste, même sous sa forme d'ICS, donc International Court System, globalement problématique. Il n'y a toujours aucune obligation d'épuiser les juridictions nationales avant d'avoir recours à ce mécanisme. La définition de protection des investissements et le principe de traitement juste et équitable qui sont dans le traité restent très vagues, à la plus grande joie des investisseurs d'ailleurs. Les firmes gardent le privilège d'être seules à pouvoir demander un arbitrage, leurs droits, contrairement à leurs devoirs, étant largement définis dans le traité afin d'aider les juges à trancher. Alors, nous savons depuis hier que le ministre Reinders a bien introduit la demande d'avis qui avait été demandée par la Wallonie, mais ce n'est qu'une étape, l'idéal restant pour nous qu'un des États, au moins européens ou d'une des provinces canadiennes, ne ratifie pas le traité, tout simplement. Nous continuons donc à nous mobiliser contre les traités transatlantiques et leurs dangers, et c'est pourquoi nous revenons aujourd'hui vers vous, au niveau communal. Vers vous qui êtes au niveau de pouvoir le plus proche des citoyens, et ce bien que nous sachions que vous n'avez aucun pouvoir direct ni sur la ratification du CETA, ni sur les négociations du TISA ou du TTIP, qui reprendront certainement là où elles se sont arrêtées une fois que Trump sera hors de la Maison-Blanche. Vous avez en revanche le pouvoir de nous aider à faire entendre notre voix de citoyen en concrétisant visuellement la motion que vous avez votée le 28 mai 2015 à l'aide de panneaux tels que celui-ci. Et que nous souhaitons voir placés à différents endroits de la ville, endroits stratégiques, notamment des lieux de passage de parlementaires wallons qui, eux, ont une possibilité de ratifier ou non le traité. Donc, notre question au Conseil communal est la suivante. Acceptez-vous, en tant qu'élus locaux, d'apposer à des endroits visibles et stratégiques de la ville, à ses entrées routières par exemple, des panneaux signalant que la commune de Namur s'oppose au traité de libre-échange déjà négocié ou en cours de négociation? Nous vous offrons un des panneaux, panneaux que les communes de Meix-devant-Virton, Tubize, Viroinval, Brugelette et Vraie-sur-Semois ont déjà accepté de placer sur leur territoire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Wilmet, pour votre intervention. Le collège a souhaité que je puisse effectivement répondre au nom de celui-ci. Merci beaucoup. Bien, alors effectivement, vous l'avez rappelé. Nous sommes face à un débat qui n'est pas le premier ressort de la compétence de la commune. Nous étions d'ailleurs déjà posé la question il y a 2 ans de l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour le débat, dès lors que d'aucuns estimaient que ce n'était pas de compétence communale. Mais nous avions malgré tout tenu ce débat, estimant que même si ce n'était pas de notre compétence, nous étions à un niveau de pouvoir qui allait être impacté par l'adoption ou non, la ratification ou non, qui sont 2 étapes distinctes du processus, de ces traités. Alors, la Wallonie a, selon les uns, été courageuse et avant-gardiste, selon les autres, conservatrice, chacun défend son point de vue en la matière, en se positionnant de manière aussi virulente sur le plan international, il y a quelques mois, par l'intermédiaire du gouvernement wallon. Il faut rappeler que si cela était possible, c'est par une particularité institutionnelle de notre pays. puisque, et beaucoup d'États se le sont douloureusement rappelés à ce moment-là, de tous les États européens, en vertu de notre fédéralisme poussé, les régions et communautés de ce pays sont les seules à être reconnues par l'Europe comme disposant de parlements équivalents à des parlements nationaux. Ce qu'on avait parfois oublié de Berlin à Paris. Et c'est parce que nous sommes l'équivalent de parlements nationaux que nous sommes invités à ratifier plus tard ce document ou non. Sachant que normalement, c'était du seul ressort des gouvernements et pas des parlements de discuter et de valider le feu vert à donner pour l'adoption. Mais comme en Wallonie, nous avions avec le Parlement largement mobilisé les élus, il eût été irrespectueux à leur égard de ne pas tenir compte du signal envoyé par le Parlement. Nous avons donc tenu ce débat au sein de cette Assemblée. Débat qui a été en partie, d'ailleurs, et très largement, le relais des positions que nos familles politiques respectives ont tenues dans d'autres niveaux de pouvoir, et donc il n'y avait pas de consensus, ni entre tous les partis du Conseil communal, ni entre les différents partis de la majorité communale sur le sujet. Un vote a eu lieu, une majorité alternative, comme on en parle beaucoup pour le moment, s'est dégagée à cette occasion. Et donc oui, la ville de Namur s'est inscrite majoritairement dans cette démarche visant à exprimer ses réticences, ses inquiétudes et en se plaçant hors CETA et tutti quanti. Doit-on pour autant aujourd'hui franchir l'étape symbolique supplémentaire qui consiste à afficher partout sur notre territoire à des endroits de passage, le long des axes routiers, des panneaux indiquant cette posture? Nous ne le pensons pas. Nous avons l'occasion comme institution communale d'être tantôt gratifiés, tantôt reconnus, tantôt nous revendiquons certaines postures. Les uns disant nous sommes la capitale durable, les autres disant nous sommes reconnus ville en poésie, d'autres disant que nous sommes aussi une ville fleurie, d'autres disant que nous avons aussi une ville handicapadmie. Et chacun ira dire que ce n'est pas comparable, mais d'un autre côté, nous n'avons pas jugé qu'il était opportun d'aller afficher partout aux entrées du territoire de la capitale wallonne, a fortiori aussi en vertu de ce statut qui ne doit pas être un statut partisan pour des débats liés à un exécutif plutôt qu'à un autre, c'est pas non. Donc l'étape la plus forte symboliquement, elle a été rencontrée il y a 2 ans lorsque le Conseil communal s'est prononcé. Parce que c'est le seul acte officiel majeur qui a permis de rassembler une majorité autour de cette volonté de dénoncer les effets pervers ou en tout cas de s'inquiéter de ceux que l'on postule derrière ces traités. Nous sommes en tout cas heureux de voir que des étapes ont été franchies, et l'une des plus symboliques, vous l'avez rappelé vous-même, mais qui n'est pas que symbolique, qui était, à nos yeux, ou en tout cas aux miens, pour l'avoir moi-même revendiqué et exigé lorsque j'étais à la table des discussions, cette saisine de la Cour européenne de justice pour questionner sur la légalité et la légitimité du système d'arbitrage qui est proposé. Enfin, le gouvernement fédéral a donné suite à cet accord intra-belge. Nous verrons maintenant ce que la Cour de justice européenne en dira, et il est probable que nous ne le saurons que d'ici 1 an ou 2. Il m'étonnerait qu'on ait une réponse à un tel niveau en l'espace de 3 semaines, alors que même dans l'intra-belge, on n'y parvient pas. Et donc, nous saluons votre démarche. Nous ne pouvons pas en l'espèce y souscrire s'agissant d'aller mettre aux 4 coins du territoire de tels panneaux, mais nous ne nierons jamais non plus le vote qui est intervenu en 2015 à l'égard du ressenti de la ville de Namur dans la majorité de ses élus à ce sujet. Et donc veillons maintenant à voir comment les choses vont évoluer aux autres niveaux de pouvoir, régionaux, communautaires, ne les oublions pas, a fortiori sachant que maintenant il y a des majorités différentes au niveau régional et au niveau communautaire et au niveau fédéral, bien entendu, en espérant alors que toutes ces démarches permettront d'améliorer très largement l'épure qui a été proposée et que nous avons adoptée. Voilà la réponse que je pouvais vous faire au nom du collège, en comprenant et en sachant que sur cette question, il n'y a pas d'unanimité de vue au sein du collège et du Conseil. Je vous en prie, Monsieur Wilmet, vous avez droit à vos 2 minutes de réplique. Oui, donc malgré l'absence d'unanimité que vous venez d'évoquer et malgré la motion votée par Namur, qui, je le rappelle, était quand même une version light des motions votées par les villes, puisque la commune de Waterloo, Boisfort notamment, avait voté une motion qui appelait à l'arrêt immédiat des négociations de ce genre de traité, vous savez tous, en tant que personnel politique, que ces traités auront un effet dévastateur sur les populations. L'exemple de l'ALENA, l'accord nord-américain, est particulièrement parlant à ce niveau-là. Les effets négatifs sur les populations sont admis, reconnus pour l'ensemble des 3 populations concernées, donc Canada, États-Unis, Mexique, et en particulier le Mexique, qui était le petit canard de l'histoire. Donc, à notre sens, enfin, à mon sens, je parlais à titre individuel à ce niveau-là, je pense qu'en refusant notre demande, et ce n'est pas par revanche ou quoi que ce soit que je m'exprime ainsi, vous, personnel politique, et je m'excuse auprès de ceux qui sont de notre avis, avez tendance à continuer à faire le jeu du 1%. Comme le dit le professeur de l'Université de Québec, Francis Dupuy-Déry, je pense qu'à ce stade-ci, nous sommes face non plus à des gens élus qui ont le souci du bien commun, mais à des gens élus qui ont le souci, même à ce niveau-ci de pouvoir, de ce 1%, et que nous sommes face à une aristocratie élue et plus véritablement à des représentants du peuple. Merci, monsieur Wilmet. S'il vous plaît. Je vous laisse évidemment libre de vos propos et de votre conclusion. Vous ne serez pas surpris, évidemment, que à titre personnel, mais probablement au nom de mes collègues aussi, nous n'y souscrivions pas. Je pense que ce n'est pas parce qu'on ne partage pas le point de vue de citoyens que pour autant ça veut dire qu'on est d'office déconnecté, parce qu'à ce rythme-là, on n'arrivera jamais à réconcilier aucun point de vue. Je voudrais, avant que nous poursuivions l'ordre du jour, solliciter de chacun un moment de silence et de recueillement en la mémoire de Cédric Flamand.